Le porte-parole des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée a publié le 8 août une déclaration qui note, entre autres. Récemment, les États-Unis ont effectué un nouveau lancement expérimental du missile intercontinental Minuteman III, soit le quatrième en cette année, à la base aérienne Vandenberg de l'État de Californie, en prenant pour cible notre République, mobiliser les escadrilles de bombardiers nucléaires stratégiques à la base aérienne Anderson à l'île de Guam au Pacifique, aux exercices de frappe nucléaire réelle contre nos objets stratégiques, et dispose de toutes sortes d'équipements nucléaires stratégiques devant nous. Une telle réalité aggrave extrêmement la situation régionale et attire l'attention particulière des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée. Ces manœuvres seront un facteur d'une collision dangereuse dans la tension extrême de la péninsule coréenne. Surtout, les bombardiers nucléaires stratégiques décollés à l'île de Guam livrent souvent au-dessus de la Corée du Sud les exercices de combat réels et les démonstrations menaçantes pour attaquer nos bases stratégiques, ce qui nous exige d'observer avec vigilance l'île de Guam, base avancée et base de sortie américaine pour l'agression de la Corée, et nous offre le besoin de prendre à tout prix des actions réelles significatives pour la maîtrise. À la matinée du 8 août aussi, les bombardiers décollés de cette île avaient gagné l'espace aérien de la Corée du Sud pour livrer des exercices de combat réels. Les forces stratégiques de l'armée populaire de Corée examinent sérieusement le projet d'opération de tir d'encerclement de l'île de Guam par les missiles balistiques de moyenne et longue portée façon 12 pour maîtriser les bases militaires principales à l'île de Guam, y compris la base aérienne Anderson, base des bombardiers nucléaires américains, qui envoie souvent ses avions au-dessus de la Corée du Sud en vue de nous provoquer et menacer. Ce sera également un avertissement sévère adressé à Washington. Après l'examen suffisant, ce projet d'opération sera rapporté au commandement suprême et une fois décidé par le camarade Kim Jong-un, commandant général des forces nucléaires de notre République, il sera exécuté simultanément et successivement à n'importe quand. Et ce seront les Américains qui expérimenteront les premiers et le plus près la puissance de nos armes stratégiques. Les États-Unis ne doivent pas oublier que les missiles balistiques des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée sont toujours dans l'attente de lancement en direction du Pacifique et ils doivent accorder l'attention profonde à l'angle azimutal de lancement des missiles. Les Américains doivent faire un choix correct pour ne pas regretter plus tard. Ils doivent abandonner immédiatement les provocations militaires irraisonnables contre notre État s'ils ne veulent pas que nous soyons obligés de faire un tel choix militaire.